Je viens de retrouver ma sœur. Nous t'avons laissé dans des inquiétudes qui me touchent. Je veux t'en tirer. Écoute-moi. Oh, vraiment, mon frère. Il y a bien d'autres nouvelles. Qu'est-ce que c'est? Ce n'est point Bourguignon, mon frère. C'est Dorante. Mais duquel parlez-vous donc? De lui, vous dis-je. Je viens de l'apprendre tout à l'heure. Il sort. Il me l'a dit lui-même. Qui donc? Vous ne m'entendez donc point? Si j'y comprends rien, je veux mourir. Venez, sortons d'ici. Allons trouver mon père. Il faut qu'il le sache. J'aurai besoin de vous aussi, mon frère. Il me vient de nouvelles idées. Il faudra feindre de m'aimer. Vous en avez déjà dit quelques mots. Oh, bah, dis non, mais surtout, gardez-moi le secret, je vous prie. Je le garderai bien, car je ne sais ce que c'est. Allons, venez, mon frère, ne perdons point de temps. Il n'est jamais rien arrivé d'égal à cela. Je prie le ciel qu'elle n'extravague pas.